Chapitre 40e. Le lendemain matin, après avoir donné l'ordre à Horace de partir dans la journée pour Chalençon, en emportant les bagages nécessaires à un séjour de 48 heures chez la marquise, le colonel prit le train de Saint-Germain. Il voulait profiter de cette excursion pour visiter le vieux château et déjeuner sur la célèbre terrasse au pavillon Henri IV. Pourvu qu'il arrivât à Chalençon une heure avant le dîner, c'était bien assez. Délicieuse assurément la marquise, mais pas au point de lui enlever la liberté de l'esprit. Et c'était là précisément ce qui le séduisait. À l'avance, il était à peu près certain de ne pas se laisser entraîner trop loin. L'influence qu'elle exerçait sur lui n'était pas telle qu'il dût s'absorber entièrement en elle et devenir insensible à tout autre plaisir qu'à celui de penser à elle ou de la voir. Les choses s'arrangèrent ainsi qu'il les avait disposées. Et ce fut seulement vers 2 heures qu'il se mit en route pour Chalençon. Mais au lieu de prendre une voiture, comme la marquise le lui avait recommandé, il voulut faire le chemin à pied. Des indications qui lui avaient été données et qui confirmaient celles de sa carte, il résultait que c'était une distance de 10 à 12 kilomètres à parcourir et pour lui c'était un agrément plutôt qu'une fatigue. Il y avait longtemps qu'il n'avait marché. Cette route à travers la campagne d'abord, puis ensuite à travers la forêt de Marly, par une belle journée, serait un vrai plaisir. Il partit donc gaiement. Le temps était clair, le soleil doux, il faisait une de ces journées de printemps où l'on se sent heureux de vivre. L'air qu'on respire, la senteur des herbes et des feuilles nouvelles, le chant joyeux des oiseaux, la clarté du ciel, tout se réunit pour donner au corps l'énergie vitale et à l'esprit l'allégresse. Pourquoi n'aurait-il pas été pleinement heureux? Il avait la santé, il avait la fortune. L'heure présente lui donnait toutes les satisfactions qu'il pouvait désirer. L'avenir lui souriait. Dans le passé, aucun souvenir pénible qui l'empêcha de remonter avec plaisir le chemin qu'il avait parcouru. Et il allait gaillardement, la tête haute, s'arrêtant de temps en temps pour ne pas se laisser entraîner. Qu'avait-il besoin de forcer le pas? Alors il prenait plaisir à regarder autour de lui. À ses pieds, les champs, bien cultivés en vigne et en jardin, puis au-delà, par-dessus le cours de la Seine, le bois du Vésinet, et tous les villages semés dans la plaine légèrement accidentée jusqu'à la silhouette confuse des hauts monuments de Paris, l'Arc de Triomphe, le Dôme des Invalides. Et quand, sur son chemin, se trouvait un château, il restait à l'examiner curieusement. Peut-être l'achèterait-il un jour, car il était bien probable, si ses espérances se réalisaient, qu'il se fixerait en France. C'était la patrie de son père, ce serait la sienne. Il n'avait pas un parent en Amérique. Comme il s'arrêtait devant la grille, il aperçut à une certaine distance, sur la route qu'il venait de parcourir, un homme qui lui aussi s'arrêtait ou tout au moins ralentissait sa marche. Assurément, il n'y avait là rien que de bien naturel, et il n'eut pas remarqué un fait aussi insignifiant si la tournure de cet homme ne lui avait pas rappelé un individu à allure bizarre qui avait déjeuné en même temps que lui à l'autre bout de la galerie du pavillon Henri IV. Sans doute, ce personnage étrange, qui n'était ni un monsieur ni un ouvrier, mais un être hybride assez difficile à définir, avait bien le droit de manger au même restaurant que lui, de même que maintenant il avait bien le droit aussi de suivre la même route. Mais ce qui était assez inexplicable, c'est que venant sur cette route, il ne l'eût pas dépassé. On peut se suivre longtemps en gardant la même distance, mais pour cela il faut que les deux marcheurs aillent d'un pas régulier. Or ce n'était pas le cas du colonel qui, depuis qu'il avait quitté Saint-Germain, avait marché d'une façon tout à fait fantaisiste, tantôt vite, tantôt doucement, en véritable papillon. Comment se pouvait-il qu'un autre eût obéi au même caprice? Cela n'était ni raisonnable ni explicable. Ou plutôt, une seule explication se présentait à l'esprit. C'était que cette marche n'était point l'effet d'un caprice, cet homme le suivait. Le colonel voulut voir si cette idée qui semblait logique se confirmerait par un fait. Il s'assit sur une borne, en face la grille du parc qu'il examinait. Non seulement l'homme n'avança pas sur la route, mais tout à coup il devint invisible. Pendant un moment de distraction de la part du colonel, il avait disparu. Où était-il passé? Était-il retourné en arrière? Mais dans ce cas, on le verrait suivre la route en sens contraire. Avait-il pris un chemin de traverse à droite ou à gauche? Mais le colonel était certain qu'il n'y avait pas de chemin de traverse, débouchant sur la route à cet endroit. Il fallait donc que cet homme se fût jeté dans le fossé ou dans un champ pour s'y cacher. Alors son espionnage était prouvé. mais le colonel n'était pas homme à s'inquiéter longtemps pour si peu. On verra bien. Et il continua sa route. C'était à une courte distance du village de Fourqueux qu'il s'était arrêté. Il traversa ce village et au bout d'une longue rue, il trouva l'une des portes de la forêt de Marly. Il demanda son chemin à une paysanne qui rabotait des bas, assise sur le seuil de sa maison. Elle lui dit qu'il avait à marcher tout droit pendant une heure à peu près et qu'il trouverait alors à la sortie de la forêt un écriteau qui le guiderait. Il entra dans la forêt. Mais après avoir marché pendant quelques minutes, il se retourna. L'homme le suivait toujours, gardant la même distance. Décidément, le doute n'était pas possible. C'était bien un espion. Mais pourquoi diable l'espionnait-on? Dans quel but? Au profit de qui? Ce furent les questions qu'il se posa et qu'il examina les unes après les autres en continuant d'avancer. Une seule hypothèse raisonnable se présenta à son esprit. Un des fidèles de la marquise, piqué de jalousie, avait attaché cet espion à sa personne afin de savoir au juste où il allait et ce qu'il faisait. Et cette idée amena un sourire sur ses lèvres, sans fatuité aucune. Cela l'amusait. D'un autre côté, cela prouve aussi que les attentions de la marquise pour lui avaient été significatives, et cette confirmation par un rival de son propre sentiment ne pouvait pas vraiment le fâcher. Mais quel était ce rival qui recourait à de pareils moyens? Assurément, c'était le duc de Mestosa. Ce ne pouvait être que ce petit avorton bilieux et rageur. Pendant un certain temps, ses recherches occupèrent son esprit. Mais quand il fut arrivé à cette conclusion, il commença à se dire qu'il était véritablement désagréable d'avoir cet estafier sur ses talons. Cela lui gâtait sa promenade. À quoi bon avoir entrepris cette route à pied s'il sentait derrière lui un escogriffe qui ne l'abandonnait pas plus que son ombre, s'arrêtant quand il s'arrêtait, marchant quand il marchait? À la longue, cette idée avait quelque chose d'exaspérant chez un homme qui d'ordinaire était peu patient. Et sa contrariété était d'autant plus vive qu'il s'imaginait que s'il avait été seul, il aurait pris un plaisir extrême à traverser cette forêt. Jamais bois au printemps n'avait eu tant de grâce, jamais oiseau n'avait si bien sifflé, jamais frondaison nouvelle n'avait exhalé tant de bonnes senteurs. Et personne sur cette route pour le troubler, si derrière lui il n'avait pas senti la présence de cet espion obstiné, dont il percevait les pas sans même les entendre. Il accéléra sa marche, puis la ralentit. Mais il eut beau faire, la même distance resta toujours entre eux. Enfin, n'y tenant plus, il s'arrêta brusquement au milieu de la route et se retourna. Son mouvement avait été si vif que l'homme, surpris, s'arrêta un moment. Mais bientôt il commença d'avancer lentement. C'était là-dessus que le colonel comptait. Il ne voulait pas courir après cet homme, mais il voulait l'interpeller au passage et lui demander ce que signifiait cette étrange poursuite. L'homme, voyant qu'on l'attendait de pied ferme, eut un moment d'hésitation et le colonel eut peur qu'il lui échappât. Vivement, il regarda autour de lui. La route courait droit sous bois sans que personne se montrât d'un côté ou de l'autre. On n'entendait pas d'autre bruit que celui de la brise dans le feuillage, et ça et là, le cri d'un jet et d'une pie. Mais la crainte du colonel n'était pas fondée. L'homme continuait d'avancer avec une démarche rampante, ramassait sur lui-même, les mains dans les poches, n'ayant de vivacité que dans la tête, qu'il haussait pour voir au loin devant lui ou qu'il tournait brusquement pour regarder derrière. À mesure qu'il approchait, le colonel pouvait le mieux examiner. Il était vêtu d'un paletot court, boutonné, et coiffée d'un chapeau de feutre mou qui lui cachait une moitié du visage. Quant à l'autre, elle disparaissait sous une épaisse barbe noire. En tout, l'apparence d'un homme que bien des gens n'auraient pas aimé à rencontrer seul au coin d'un bois. C'était là précisément le cas du colonel, avec cette circonstance aggravante, que ce n'était point au coin d'un bois qu'il faisait cette rencontre, mais en pleine forêt, loin de toute habitation et de tout secours. Mais il était soldat, et il n'avait jamais éprouvé le sentiment de la peur. L'homme avançait toujours, rasant la terre avec sa démarche de loup. En gros 20 pas, il allait rejoindre le colonel. Alors, celui-ci étendit le bras en avant et d'une voix de commandement « Halte » dit-il. À ce geste, l'homme baissa la tête comme s'il avait peur de recevoir une balle, mais voyant que le colonel n'avait rien dans la main, ni revolver ni canne, il la releva aussitôt avec un geste d'assurance et de défi. « Eh bien, qu'est-ce que c'est ? » dit-il. « Et pourquoi me barrez-vous le chemin, vous ? Et vous, l'homme, pourquoi me suivez-vous ? Je ne vous suis pas, je marche. La route n'est donc pas à tout le monde. Pas de discussion. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous préviendrez celui qui vous paye que je vous ai promis de vous casser les reins si jamais je vous retrouvais derrière moi. Maintenant, passez votre chemin et ne vous retournez pas, sinon gare à vous. » L'homme fit un geste comme pour s'élancer sur le colonel, mais brusquement s'arrêtant, il parut se résigner à obéir à l'ordre qui venait de lui être intimé. Il s'avança donc lentement, comme pour passer son chemin, mais arrivé près du colonel, il sortit vivement ses mains de ses poches, la droite était armée d'un long coutelas à manche de bois. D'un bond, il s'élança sur le colonel, le bras levé, et avant que celui-ci eût pu penser à repousser cette rapide agression, le coutelas s'enfonça dans son épaule. Le coup fut si violent que le colonel chancela.